Bonjour à tous, aujourd'hui parlons authenticité. Parlons connexion au cœur, courage et envie de faire son coming out authentique. Bref, à tout de suite pour mon nouveau podcast. Je pense souvent à l'authenticité dans ma vie. Je crois qu'aussi loin que je m'en souvienne, ça a toujours été une quête pour moi. Lorsque j'étais à l'école déjà, il me semble que sans avoir pu mettre les mots dessus, je souffrais déjà de vivre dans un monde souvent non authentique. Quand je dis ça, je parle des faux-semblants, des masques que l'on met ne serait-ce que pour pouvoir vivre en société. Je crois que c'est une des choses que j'ai eu le plus de mal à accepter dans mes relations sociales. À quel moment revêt-on le premier masque qui viendra cacher notre authenticité ? Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'à un moment donné dans l'enfance, lorsque l'on commence à se soucier de ce que l'autre, et a fortiori ce que nos parents pensent de nous, lorsqu'on veut satisfaire leurs attentes, alors sans doute que le masque commence à se former. Est-ce que finalement, ce n'est pas parce qu'on a envie d'être aimé d'eux, tout simplement ? Alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Là n'est pas vraiment la question, je crois. Il s'agit d'un processus de construction sociale dont il est difficile de faire l'économie. Mais ce que je ressens profondément, c'est qu'à un moment donné de notre vie, il est important d'en avoir conscience. De développer notre conscience des masques que l'on met, des rôles que l'on joue, au risque de se perdre totalement dans le rôle et d'oublier l'être qui est derrière le masque. Depuis toute petite, je ressens fortement lorsqu'une personne commence à se perdre dans le rôle, dans le masque, et lorsqu'elle commence à oublier partiellement ou totalement qui elle est vraiment en dessous. C'est quelque chose qui me crée comme une sensation d'irritation, de gêne, comme si on ne pouvait pas emboîter les deux pièces d'un puzzle. Alors, dès mon enfance, j'ai eu tendance à mettre de la distance entre moi et les autres. Non seulement avec les personnes qui m'entourent, mais aussi avec ses perceptions, car elles me gênaient. Nous avons tous envie d'être en phase avec le monde qui nous entoure, d'être acceptés par le clan. Alors parfois, on étouffe un peu ou beaucoup ce que l'on est pour mieux convenir au groupe. Ou comme moi, on met de la distance, on crée des protections pour ne pas se perdre totalement. J'ai appris et j'apprends toujours, car c'est un long cheminement, à vivre de façon authentique moi-même. Au départ, cela m'a conduit à tenir à distance les gens, à créer des barrières, comme je disais. Et puis, peu à peu, à être tout simplement plus sélective pour conserver un cercle de personnes qui respectent mon authenticité et qui recherchent eux-mêmes cette authenticité. Alors, qu'est-ce que j'appelle finalement l'authenticité ? Pour moi, c'est cette capacité à vivre selon nos propres valeurs, à vivre selon son cœur, sans se soucier de ce que les autres peuvent penser de ce que j'appelle notre vérité, ce qui nous rend uniques en somme. Parfois, on vit de façon plus authentique dans un domaine de notre vie, on fait ce que j'appelle des compromis avec soi. On essaie d'être authentique dans notre famille, par exemple, mais on accepte de se perdre, plus ou moins, sous un masque, dans un rôle au travail. Car on se dit qu'on vit dans une société où l'on ne peut pas faire autrement. Car comme je disais tout à l'heure, on a envie, et ça peut se comprendre, d'être accepté par le groupe. Mais je crois au contraire que de plus en plus, on aspire à des vies authentiques dans tous les domaines de notre vie. C'est en tout cas mon aspiration profonde. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, je me perds aussi dans les masques moi-même. Mais j'essaie de faire des choix de vie en lien avec mon cœur, qui me permettent petit à petit de redécouvrir ce qui se cache sous ma propre surface, sous la vie superficielle. Oui, je ne vous le cache pas, cela demande du courage, ne serait-ce que celui d'oser se révéler dans sa vérité dans une société où l'apparence est reine. C'est parfois comme aller marcher tout nu dans une rue où l'on ne croise que des gens habillés. C'est aussi un peu comme un coming out, une sortie du placard angoissante. Mais en ce qui me concerne, ma vie n'aurait aucun sens sans cette quête. Alors comment développer cette authenticité et pourquoi est-ce si important de l'être ? Voilà des questions que j'aborderai sans aucun doute dans un prochain podcast. À très vite mes chers êtres en quête d'authenticité.